Mosaïque. Bonjour et bienvenue à tous. Merci d'avoir choisi ce rendez-vous sur Isanganiro. 13 octobre 1961, 13 octobre 2022, cela fait 61 ans que le prince Louis Rwagasore, le héros de l'indépendance nationale du Burundi, a été assassiné. Mosaïque, aujourd'hui, c'est pour parler de son héritage, avec un accent particulier sur la gouvernance et la lutte contre la corruption. En effet, 61 ans après, des questions de gouvernance et de corruption font toujours parler d'elle dans le pays. Comment alors se porte la situation aujourd'hui? Quels seraient les défis? Quels sont les impacts sur le développement socio-économique du pays? Et surtout, que devraient être les perspectives pour en découdre avec la corruption au Burundi? Trois invités sont avec nous sur le plateau. Honorable Olivier Nkurunziza, vous avez été élu député de l'East African Legislative Assembly, EALA, et nous vous en félicitons. Vous êtes le président du parti UPRONA, parti dit de Rwagasore. Bonjour. Bonjour. Honorable Agathon Rwasa, député de l'Assemblée nationale, vous êtes le président du parti CNL, Congrès national pour la liberté. Bonjour. Bonjour, bonjour à mes collègues ici sur le plateau. Bonjour à tous les auditeurs et téléspectateurs de Radio-Télévision Isanganiro. Et puis nous sommes avec vous, Faustin Dikoumana. Vous êtes le directeur national de l'ONG PARSEM, Parole et Action pour le Réveil des Consciences et l'Évolution des Mentalités. Et bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de l'invitation. La mise en onde est assurée par Séraphine Hakizimana et Berthier Mugiraneza, réalisation de Francine Ndeokugayo et Marie-Claire Kazeneza. À la présentation, Léonce Vitalio. Isanganiro. Puis-je vous demander d'abord que l'on écoute ensemble cet extrait du discours du prince Louis Rwagasore après la victoire de son parti, l'UPRONA, lors des législatives de septembre 1961. Il promettait un châtiment exemplaire contre les corrupteurs et les corrompus. Je vais rester arrivé, je sais pas, sur les véritables problèmes de la nation. Problèmes économiques surtout, problèmes de la terre, d'émancipation sociale du peuple burundi, problèmes de l'enseignement et tant d'autres, auxquels nous chercherons et trouverons des solutions qui nous sont propres. Il faut surtout que tous les habitants du Burundi se sentent en paix et en sécurité, que personne ne se croit menacé et que chacun ait confiance de la protection du gouvernement. C'est pourquoi ce gouvernement qui sera formé bientôt aura comme premier devoir de sévir sévèrement contre tout porteur de troubles, les irresponsables quels qu'ils soient. Et j'exhorte surtout les partisans et amis de l'UPRONA à se montrer dignes de la victoire du parti. Les militants actifs doivent agrandir le cercle de nos amis, tendre loyalement et colonialement la main aux adversaires d'hier, et non étaler de l'orgueil et de l'insolence. La campagne électorale est terminée. Le passé doit être oublié et il ne faut plus penser qu'à l'avenir qui est prometteur si nous en voulons et si nous agissons en conséquence. Aux voleurs, agresseurs et bandits de toute espèce, nous annonçons une répression énergique et impitoyable, un châtiment dont ils se souviendront. À cette heure de la victoire d'un parti, fut-il le mien, je ne suis pas grisé par le succès, car pour moi et mes amis, la véritable victoire ne sera atteinte qu'après l'accomplissement, une tâche difficile mais exaltante, un Burundi paisible, heureux et prospère. Vous nous jugerez à nos actes, et votre satisfaction sera notre fierté. D'abord, la première question à vous, Olivier Nkurunziza. C'est quoi, selon vous, le message du prince Louis Rwagasore par rapport à la gouvernance du pays et la lutte contre la corruption? Et comment vous interprétez ça? C'est un discours très riche, particulièrement quand vous essayez de l'analyser. Et il a touché sur tous les points de la vie du pays. Et le prince Louis, ce qu'aujourd'hui, quand on écoute, on trouve que toujours son message est d'actualité. Et cela pourquoi? Parce que c'était un grand visionnaire. Quand vous essayez de voir ce qu'il mettait en avant, principalement dans cette période de 1961, c'était de voir que les Burundais, d'abord, étaient, de voir les Burundis bien unis autour de son idéologie. Il était aussi le partisan du progrès du pays, du développement du pays. Il est le premier à mettre en place les coopératives, comme nous le savons depuis longtemps. Mais aussi, il voyait que le Burundi ne se développait pas comme il le fallait, parce que son père était roi. Mais en tenant compte de toutes ces situations, il voyait qu'il y avait de la malversation des biens économiques du pays. C'est la raison pour laquelle, dans son discours, il a insisté en mettant son énergie qu'une fois son gouvernement sera mis en place, qu'il va se focaliser sur la lutte contre la corruption. C'est ce qu'il les a appelés Imihimbili à la Sumana Bambouzi. Et que vraiment, il va travailler énergiquement. C'est-à-dire qu'il voyait cela dans les différents secteurs du pays. Le prince Louis Gwagasore, fils du roi, qui voulait développer le pays, mais il voyait aussi qu'on ne peut jamais développer un pays sans toutefois tenir compte sur la gouvernance politique et économique du pays. C'est la raison pour laquelle il a pris la parole en tenant compte de cet aspect du développement du pays et de la lutte contre la corruption. Justement, quand il parlait de voleurs de deniers publics dans son discours, il parlait de corrupteurs et corrompus. N'est-ce pas qu'il y avait une situation de corruption dans le pays? Et pourquoi on en parle encore jusqu'à aujourd'hui, 61 ans après? Ça fait longtemps, effectivement. Et vous voyez que depuis la mort du prince Louis Gwagasore, lui, il a passé seulement 25 jours. Il n'a pas même eu la chance de mettre en application son programme politique. Et c'était vraiment à peine après la mise en place du gouvernement et il a été assassiné. Et vous voyez qu'après sa mort, il y a eu pas mal de morts qu'a connu le Burundi, les crises politiques. Mais aussi, vous trouverez que au Burundi, réellement, ce que Gwagasore demandait n'a jamais été concrétisé dans la vie matérielle et spirituelle de la population burundaise. C'est la raison pour laquelle, quand nous écoutons son discours, c'est toujours d'actualité, parce que même dans la vie de tous les jours, si nous observons dans les différents services de l'État, nous trouvons que toujours la corruption, les corrupteurs et les corrompus sont toujours là. Ce qui a même fait que le Burundi reste en arrière au niveau du développement économique. Une petite question avant que je passe la parole à l'honorable Rwasa et à Faustin Ndikumana. Comment se porte la situation aujourd'hui au Burundi sur justement la corruption et la gouvernance? La situation, selon vous, ça se porte comment? La situation, c'est, pour parler de la gouvernance, c'est vraiment très large, effectivement, mais nous pouvons parler quelques aspects. Et quand j'essaie d'analyser sur la gouvernance politique et démocratique, quand on parle de la gouvernance politique, regardons sur la façon dont on organise les élections. Aujourd'hui, les élections, oui, sont organisées ici au Burundi, mais il y a encore à améliorer, parce qu'après les élections, pendant la période électorale, nous avons observé des lamentations de différents hommes politiques. Bien sûr, le pouvoir démocratique, c'est le pouvoir qui est fondé sur la volonté du peuple, mais sans qu'il y ait une transparence dans l'organisation des élections, vous voyez qu'il y a encore à améliorer. Mais au niveau aussi des institutions, il y a principe de séparation de pouvoir, mais au Burundi, vous voyez qu'encore, il y a à faire dans la séparation du pouvoir. Il y a l'exécutif, encore, qui a la force plus que d'autres pouvoirs, par exemple, pouvoir législatif et judiciaire. Vous voyez que chaque fois, ils sont toujours presque téléguidés par le pouvoir exécutif. Et ça, c'est vraiment au niveau de la gouvernance. État de droit. Nous avons besoin toujours de la justice saine. Est-ce que la justice, même le président de la République le dit, on a besoin d'une justice saine. Nous avons, quand il y a la bonne gouvernance, il faut qu'il y ait vraiment une police qui fait respecter les lois pour tous. Et on a toujours affaire ici au Burundi. Et c'est la raison pour laquelle, autre chose, c'est vraiment le droit de l'homme. Le droit de l'homme, quand vous essayez de voir, il y a la société civile qui doit travailler correctement ici au Burundi. Mais après la crise de 2015, nous avons trouvé qu'il y a eu des problèmes dans les médias, dans la société civile. Alors actuellement, c'est la situation que je peux dire. Mais pour la bonne gouvernance économique, alors, la corruption est toujours là. La corruption est toujours là, les marchés publics et d'autres choses. Il y a en tout cas encore à faire, à vous entendre parler. Permettez que je passe la parole à l'honorable Agathon Rwasa, président du parti CNL. Comment, selon vous, se porte la situation aujourd'hui au Burundi par rapport à cette situation, la corruption, corrupteurs corrompus au Burundi. Comment se porte aussi la situation par rapport à la gouvernance? Votre lecture, c'est comment? C'est complexe. C'est complexe parce que lorsque il y a corruption, c'est d'abord une traduction dans les actes que réellement la gouvernance est mal en point. Oui, parce que s'il y a une bonne gouvernance, on a ce que de droit, donc on n'a pas besoin de corrompre pour accéder à ces droits. Maintenant, si on doit monnayer pour jouir de ces droits, vous comprendrez que la gouvernance se trouve peut-être sur un autre parallèle. Monnayer pour jouir de ses droits, c'est-à-dire? Vous payez un droit que vous avez. Si, par exemple, pour être au plateau à Isanganiro, je dois payer de l'argent, vous comprendrez que l'accès à la parole, à la radio Isanganiro, n'est pas tout aussi libre qu'on le croirait. Évidemment, ce n'est pas ça qui est là. Mais c'est juste c'est pas le cas. Une façon donc de faire... d'essayer de produire ce que serait l'image de ce que c'est la corruption. La corruption gangrène notre pays. Et malheureusement, elle a été décriée depuis l'époque de la lutte pour les indépendances. Si on devrait s'apesantir sur la teneur du discours de feu Prince Rwagasore, on devrait dire que les Burundais devraient avoir honte de dire que nous avons pris son héritage parce que lui, il dénonçait ce que nous faisons au quotidien. S'il parlait de l'unité, c'est qu'effectivement, il constatait que les Burundais, ils n'obéissaient pas des mêmes droits. Et donc, pour lui, le pays avait besoin d'un certain élan pour pouvoir arriver à enclencher le développement. Donc, le peuple devrait être uni. Les Burundais devraient être traités sur le même pied d'égalité. Malheureusement, hier comme aujourd'hui, c'est le deux poids deux mesures. Il y a des citoyens de première classe et des citoyens de seconde classe dans la gestion des affaires publiques. Première, seconde classe, c'est comment? La discrimination est de mise. Par exemple, dans l'accès à l'emploi aussi au Burundi. Donc, il y a une certaine confusion entre le parti au pouvoir et l'État lui-même. A-t-il enseigné que les droits des militants du parti au pouvoir sont respectés lorsque les autres sont relégués au calendrier grec. Donc, autrement dit, je me dis que si nous devrions prendre conscience de cet état de déséquilibre social pour penser ensemble comment résoudre ce problème, peut-être que nous pourrions emboîter le pas du prince Rwagasore qui voulait que le Burundi soit libéré de la corruption. Que le Burundi soit géré par des hommes et des femmes intègres, c'est à ce prix. Est-ce qu'on est prêt à cela, à cet exercice? Je ne sais pas. Aussi, je dois dire que le discours ne rime pas avec la réalité. Nous parlons du discours d'aujourd'hui ou le discours de Rwagasore dans le temps? D'aujourd'hui. On ne va pas condamner le discours de Rwagasore. Non, Rwagasore, lui, il a dit son discours au programme. Il a affiché ce qu'étaient ses intentions, qui étaient de se croire noble. Tout à fait. Reste à voir si ses successeurs ont essayé d'intérioriser ce discours-là pour essayer de faire vivre ce discours au peuple burundais. La réponse est que non. En témoignent les crises cycliques que nous avons connues, qui sont survenues juste parce qu'effectivement, il y a cette façon de gérer les choses comme si l'État appartenait aux uns et non aux autres. La discrimination a toujours été de mise. Elle l'est toujours, même aujourd'hui. Vous comprendrez qu'on a du mal à avancer. Si on devrait parler de démocratie, il y a quand même certains comportements ou certains attributs de la démocratie que l'on devrait garantir, notamment la redevabilité. Maintenant, si on est élu, c'est comme par enchantement. On ignore qu'on est là pour servir, et si on est là pour servir, on devrait normalement rendre compte. Malheureusement, cette culture n'est pas là. Culture de redevabilité. Oui. Il n'y a pas de transparence ici. Oui. Si vous essayez de mettre le nez dans les affaires louches de quelqu'un, vous êtes plutôt qualifié de mauvais citoyen, et c'est à vos risques. Une situation de corruption. Je vais vous faire un petit exemple. Dans notre commune, natale, la commune de Kireba, par exemple, un administrateur se met à faire des démarvelisations économiques. Le président du conseil s'inscrit en faux, mais son président du conseil communal a été obligé de démissionner de la présidence du conseil et du conseil lui-même. Vous comprendrez que quand même, ça c'est une situation... Vous parlez de cet administrateur qui a été destitué. Il ne l'est pas parce qu'il n'a jamais été remplacé jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. La commune n'a pas d'administrateur maintenant. Ça fait longtemps. Ça fait déjà plus ou moins 4 mois. Donc, et ça n'inquiète même pas l'autorité de tutelle. C'est quand même grave. Oui. Donc, la séparation des pouvoirs, mon collègue ici venait de souligner cela. Pourquoi est-ce qu'il y a la prépondérance justement de l'exécutif sur les autres pouvoirs ? Vous êtes par exemple de l'Assemblée nationale, un député de l'Assemblée nationale. Oui. Est-ce que vous voyez, est-ce que vous pouvez prouver que l'exécutif est plus prépondérant par rapport au pouvoir législatif ? Bien sûr que oui. Je peux te poser une simple question. Combien d'occasions orales avec débat a-t-on assisté à l'Assemblée nationale pour cette législature, par exemple ? Vous, en tant que... Non. Nous, en tant que citoyens burundais. Oui. Oui, parce que, en fait, si le député est élu pour représenter le peuple, pour voter les lois, et pour contrôler l'action gouvernementale... Et les projets de loi, ça se vote souvent à 100%. Mais que voulez-vous ? Mais voter les lois, c'est une chose. Contrôler l'action gouvernementale, ça en est une autre. Donc, quelque part, il y a des lacunes. Oui, au niveau du vote des lois, d'accord, on en vote plusieurs. Mais au niveau du contrôle, oui, on devrait se poser des questions. Pourquoi est-ce qu'on n'entend pas beaucoup les ministres devant l'Assemblée ou devant le Sénat ? Pourquoi est-ce que les députés ne font pas de travail de terrain, les descentes, pour se rendre compte de ce qui se passe ? Tout ça, c'est parce qu'il faut accompagner le gouvernement. Donc, autrement dit, la séparation des pouvoirs devrait nous aider, en fait, à atténuer la pesanteur de l'exécutif. Parce que les gens de l'exécutif peuvent se donner toutes les prérogatives sans toutefois respecter le respect de la loi. Je reviendrai vers vous, honorable. Faustin Dikouman, directeur national de PARSEM, Parole et Action pour le Réveil des Consciences et Évolution des Mentalités. Vous, de votre côté, quelle est votre lecture, état des lieux, mais aussi lecture par rapport à la gouvernance et corruption au Burundi ? Et oui, d'abord, et ce qui est très intéressant, c'est cette compréhension et du prince Louis Guagasore de la place de la bonne gouvernance dans le développement économique. Oui, donc, il a causé des problèmes. Et ce que nous inspire son discours. C'est sa compréhension vraiment pionnière à l'époque de la place de la bonne gouvernance dans le développement économique. Parce qu'on a assisté dans plusieurs pays africains, même au Burundi, ce qu'on appelle les lendemains qui ont déjanté. Les pays ont transité à l'indépendance, mais la situation a été toujours chaotique. Les années 60, et c'était je dois dire que même le manque de la bonne gouvernance et la corruption, c'est ce qui fait le lit de toute cette crise politique cyclique qui a émaillé la gouvernance en Afrique. Donc cette compréhension à l'époque préambulée, c'est très intéressant, même si il n'a pas fait long fait. Mais encore une fois, ce que je constate, c'est que le mal de corruption, le mal de mauvaise gouvernance, le paradoxe, c'est que ce soit pendant le parti unique, que ce soit au niveau du multipartisme, c'est la même chose. Finalement, on peut se demander comment est-ce que les Burundais vont réfléchir pour jeter les bases d'un nouvel ordre de gouvernance dans son pays. Parce qu'on a assisté à des partis prenant dans le tas, le multipartisme aujourd'hui, on a les mêmes travers, on a les mêmes éléments. Donc, quelque part, cloche. Que rien n'a changé. Je dis que au niveau de la corruption, de la gouvernance, vraiment, C'est la même chose, tu le vois. Bon. Et encore, fille, encore plus, ce que je dois dire, la situation même dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui au niveau du gouvernement, cette marche n'a pas d'autorité au niveau du décollage économique. C'est lié à cette corruption qui s'est enracinée, qui a été érigée à mode de gestion des affaires publiques. Si on analyse alors, non, la corruption, l'état de la corruption, on parle, il y a des enquêtes qui ont été faites dans le passé, il y a ici la typologie de la corruption. Au Burundi, d'ailleurs, on est surpris, il y a la corruption bon, qui empêche l'accessibilité des citoyens aux services de base. Et le monnaie en service pour accéder à cela, pour échapper au rentrer dans le devoir ou à un endroit quelconque où on peut donner de l'argent. Pour... Mais il y a d'autres infractions connexes à la corruption qui ont pignon sur rue actuellement, qui gangrènent l'État et qui ont tenté de paralyser toute la machine administrative. Ce sont des détournements des biens publics. C'est ce favoritisme dans les marchés publics, c'est cette trafic d'influence dans les recrutements, c'est cette concussion, l'enrichissement illicite des cadres de l'État, pieds sans vergogne dans la question de l'État, on s'enrichit de façon illicitement. Il y a le blanchiment, donc toutes ces pratiques sont tolérées. C'est ce qui me répugne. Il y a une intolérance, donc la société s'en accommode. Alors que c'est gravissime, alors que c'est grave. Quand on secteur dit l'administration, la douane, l'éducation, la santé, la police, qui dit qu'ils sont gagnants de la corruption, ce n'est plus dans ce cas c'est une évidence. Donc la situation vraiment de la corruption nous gagne. Et je vous dis, si il n'y a pas de changement de cap, s'il n'y a pas de rectification de tir, le pays vraiment ne pourra pas finalement, s'en sortir. Qu'est-ce donc, que vous voyez de bon? De bon? De bon, ce que je veux dire de bon, c'est cette volonté actuelle du leadership au plus haut niveau de vouloir quand même s'attaquer, mais encore une fois, il n'y a pas de méthodologie, de mécanisme évident pour opérationnaliser cette politique. Parce que ce ne suffit pas les bons discours d'un président de la République pour dire que l'administration a suivi pour opérationnaliser sa politique. C'est pour ça qu'on voit ces conséquences. Ces conséquences, on se voit. Au niveau de la gestion des recettes publiques, pourquoi le Burundi maintenant n'a plus de, il n'y a pas de capitaux étrangers qui entrent? Pourquoi on assiste à un tarissement de financement extérieur, des emprunts? Pourquoi le Burundi, on a reçu des retards terribles dans l'exécution des projets de développement, dans tous ces barrages? Il faut faire un audit, c'est horrible. Et si on vous associe un jour, est-ce que votre voix pourrait porter un peu loin? Si on m'associe, à faire quoi? À conseiller ou bien prendre des mesures, à être acteur, à quel niveau je serai associé. À l'un ou à l'autre. Alors, si je suis acteur, je sais quand même qui aurait un chargement. Encore une fois, là où la situation, donc là où le bas blesse, c'est que même ces mécanismes de lutte contre la corruption sont complètement paralysés. On a dit, on était dans un séminaire quelque part au Nigeria, plutôt au Gabon sur la corruption, il y avait des séminaires qui sont organisés au niveau africain. On dit, quand on dit que la corruption est donc s'enracine au Burundi, que le Burundi est corrompu, ce n'est pas dit que d'emblée, en Burundi est plus corrompu, plus qu'en France ou plus qu'à... L'être humain, il y a tendance à être corrompu, mais... Comment est-ce que le système anticorruption d'un pays est organisé pour frapper fort contre le corrupteur? Si les gens sont à couler douce dans cette salle de besogne, il y aura pignon sur rue, la situation va s'aggraver. Le problème actuellement au Burundi, les mécanismes de lutte contre la corruption, que ce soit les institutions de contrôle, que ce soit le cadre légal, que ce soit la justice, on dirait qu'ils sont paralysés. On n'aurait pas lutté contre la corruption sur la seule volonté de l'exécutif. Parce que l'exécutif, d'abord, est impliqué dans la gestion quotidienne et des affaires de l'État. L'exécutif, c'est bien elle qui est vraiment concerné par la gestion de la chose publique. Quand un pays n'a pas, par exemple, une cour des comptes, en cadre de garde d'audit des finances publiques digne de son nom, C'est déjà faux. La Cour des comptes, il y en a. Qui joue son rôle au niveau des moyens humains, matériels, l'indépendance. Donc, je vous dis que même dans un pays, si on veut auditer les de corruption, on passe par voir comment est-ce que le mécanisme de la corruption est organisé. Finalement, les défis. Les défis, ce sont lesquels par rapport à cette situation de corruption au Burundi et de gouvernance? Les défis. Les défis, il y en a beaucoup. Parce que quand on essaie de voir, quel que soit, vous avez demandé qu'est-ce qu'il y a de bon. En tout cas, au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau de l'exécutif ici au Burundi, il y a des lois et règlements pour réprimer la corruption qui sont bien. Mais il faut les appliquer. Le défi, c'est la mise en application de tout ça. Parce qu'il y a brigade anticorruption, il y a parc anticorruption. Est-ce qu'ils sont efficaces? Ils travaillent d'une façon efficace, ils sont bons. Il faut d'abord qu'il y ait une volonté politique de les appuyer. Parce qu'il y a même une tentative de les supprimer, vous savez. Ni tété, ni loi. Mais quand, encore. Mais quand on a... ils sont marginalisés. Oui, voilà. Alors, le défi, il faut alors laisser ces organes, ces institutions qui sont là pour réprimer la corruption, de travailler d'une façon efficace. Mais aussi, il faut penser que quand il y a un haut responsable de l'État ou du gouvernement, et quand il est accusé de cela, il y a la tentative de se couvrir, la couverture entre eux. Et ces organes n'ont pas de pouvoir, n'ont pas aussi de la force pour faire comparaître ces gens. Là, il faut alors donner la force à toutes ces institutions pour travailler. Mais aussi, c'est l'évolution de mentalité des Burundais. C'est un défi. Parce que nous sommes toujours habitués. C'est comme d'habitude que la corruption, c'est la façon de recevoir ce que tu as besoin dans un laps de temps. Vous arrivez quelque part, par exemple, quand vous cherchez à extraire casier judiciaire, qui coûte seulement 1000 francs. Mais comme tu viens, par exemple, à Changuzo ou à Muyinga, tu comptes que tu vas passer toute une nuit ici à Bujumbura, tu vas payer plus. Tu payes au moins 10 000 ou 20 000 pour avoir un document. D'un document de 1000 francs. Oui, tu dois donner seulement 20 000. Parce que tu vas compter, je vais prendre un hôtel, je vais me restaurer, je vais passer au moins des jours. Alors, vaut mieux donner de l'argent pour quand même que je puisse quitter très rapidement et retourner chez moi pour continuer à travailler. Vous voyez alors, ça, ce sont des habitudes. Ils sont dans les bondes pour lutter. Et nous avons peur aussi de dénoncer ceux qui ont demandé la... Parce que vous avez peur, vous dites, si je le dis, je ne sais pas ce qui va m'arriver après. C'est la protection des dénonciateurs. Voilà, c'est ça. En tout cas, c'est ça, voilà les défis. Honorable Agathon Gwasa, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter par rapport à des défis? Oui, le défi, c'est... Il y a le gros défi, c'est cette corruption-là, c'est cette mal-gouvernance. Sinon, les défis subséquents, ou la traduction en acte, c'est quoi? Ou qu'est-ce qui prélude à cette mal-gouvernance, à tout cet état de corruption? C'est plusieurs faits. Je ne peux que... Juste, je me limite à deux. Oui. D'abord, je crois qu'il y a, au niveau du recrutement... Au niveau de la fonction publique? Oui. Oui, parce que ceux qui sont corrompus sont dans le secteur public. Il faut privilégier la méritocratie sur la partisanerie ou le militantisme. C'est dommage que dans un État comme le nôtre, qu'il y a des citoyens qui ont été aux mêmes écoles, lorsqu'il s'agit d'octroyer de l'emploi au niveau de l'État, on ne regarde que dans le seul partisan de FDD. C'est quand même en travers, si je puis l'appeler ainsi. Parce qu'on a été aux mêmes écoles, on a connu les mêmes programmes, on a connu les mêmes enseignants. Je ne pense pas que les plus méritants seraient dans un seul parti. Il faut que, comme le président dit, il faut qu'ils vivent ça. Il faut qu'ils soient présidents de tout le monde, même dans la gestion. Comme stratégie, finalement, il faudra que tout le monde vire vers ce parti. C'est vrai. Non. Non, on a été dans un monopartisme, on n'a pas vécu mieux. Non, ce n'est pas vraiment le parti unique qui le sied. Mais s'il faut accepter qu'il y ait multipartisme, il faut accepter que tout le monde a les mêmes chances, a les mêmes droits. Et et ne pas privilégier les uns au détriment des autres. Parce que ça aussi, ça favorise cette gangrène du système, de la gouvernance de tout un État. Parce que lorsqu'on sait que si on milite plus, on a beaucoup de chances. On risque d'avoir de bons militants, mais pas des meilleurs dans les services. Et ça, c'est très dangereux. Deuxième chose, il faut que la loi prévale sur le favoritisme. Oui, lorsque on joue du favoritisme, on se permet tout. On commet tous les éléments possibles. On dit, ah, j'ai un protecteur quelque part. Et ça, c'est malheureux. Une société où l'on va sur ce rythme-là ne peut nullement avancer. À la longue, c'est une société qui peut même s'écrouler un beau jour. Le cas n'est pas loin. Regardez ici à côté le Zaïre de Mobutu à l'époque. Là, il y avait le monopartisme. Mais en plus du monopartisme, il y avait le tribalisme. Il fallait être du clan de Mobutu, de la tribu de Mobutu pour être dans les bons postes. Et finalement, le favoritisme s'est installé. Et on a oublié la loi, on a oublié les règles du jeu. Donc, pour montrer combien le favoritisme tue un État, tue une nation. Mais au-delà de cela, il y a aussi le principe d'équité qui doit être une qualité des gouvernants. Le président, il est le président des Burundais. Oui. Les ministres, ils sont des ministres du Burundi. Ils ne sont pas des ministres d'un parti X ou Y. Ils doivent comprendre que leur place et leur rôle doivent être en faveur de tous les Burundais. Et ils sont les premiers donc à combattre ce favoritisme. Ils doivent être les premiers à combattre la partisanerie et promouvoir les aspects positifs de la gouvernance tels que la méritocratie et autres. Faustin Dikoumana de l'organisation TARSEM, les défis. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter par rapport aux défis. C'est du moins. D'abord, au niveau défi, le défi fondamental, c'est, je voudrais l'exprimer en termes de conflit entre ce qu'on appelle la légitimité historique et la légitimité pragmatique. Ce qui a toujours marqué un conflit entre les deux légitimités pour des pays où le pays a amené à être géré par des gens qui avaient créé des rébellions pour arriver au pouvoir. Parce qu'après avoir arrivé au pouvoir, il y a tendance à se baser sur une illégitimité historique, de dire nous avons peiné, c'est nous, c'est le temps, c'est le temps de bénéficier des dividendes de notre combe. Et il pérennise dans le temps cette légitimité historique. Je me souviens quand j'étais en stage. Donc là, ce sera alors en faveur d'un groupe. Dans un groupe qui se dit. Ils sont légitimes historiquement. Dans ce cas, cette légitimité, c'est-à-dire nous violons la loi dans l'impunité. Tout ce qui doit être fait, c'est d'abord c'est nous. Donc la loi est mise à côté, les institutions ne sont pas respectées. Et c'est là où on constate alors qu'il y a toujours ce qu'on appelle la supériorité du pouvoir militaire et policier sur le pouvoir civil des élus. À un certain moment, le pouvoir civil des élus est assez faible. On va en gouverneur, on va en député, on va en procureur, on va en ministre, mais quelque part, il est dilué. Le pouvoir est dilué. C'est ça ce qu'on appelle la dignité historique. Je me souviens quand j'étais aux États-Unis, dans un stage, on nous a fait visiter un endroit où George Washington a tenu un discours célèbre. On nous disait que George Washington venait de gagner la guerre. D'indépendance des États-Unis. Quand on l'a sollicité d'être président, il avait refusé. Il disait qu'il ne faut pas qu'un général qui gagne la guerre soit président. Parce qu'il risquera de se considérer comme un dieu. Moi, j'ai gagné la guerre, je me retire, j'irai. Il a fallu déjà pour le convaincre. Il s'était même retiré pour commencer à être comme un fameux donc, cultivateur. Attention! Si je viens, il faut limiter les mandats 4 à 4, il faut faire des lois pour fonder une nation où toutes les lois seront respectées. Mais c'est le problème dans plusieurs pays, même dans notre pays. Cette légitimité historique qu'on veut pérenniser, sans affronter la réalité des choses, c'est le premier défi. Quelque part, un policier, par exemple, à l'intérieur du pays, quand il voit un jeune procureur qu'on vient de nommer, qu'il est civil, il a tendance à le dénigrer, à ne pas considérer que le procureur général de la République couvre tous les polices, même la documentation ou quoi. Donc, il y a vraiment cette tendance-là. Alors, les gens se donnent la latitude de faire des infractions dans l'impunité totale. Et quand ça dure, il est difficile de décider là où il faut casser. Sinon, outre ce défi central, il y a ce qu'on appelle le défi secondaire au niveau de cette lutte contre la corruption. D'abord, la sensibilisation, connaître ces infractions contre la corruption. Combien de Burundais savent vraiment les infractions de corruption? Deux, où est le journalisme d'investigation? Normalement, ce sont les radios qui dénoncent, ce sont les journalistes qui nous disent ici et là, ça a été comme ça. Mais le journalisme d'investigation a été mis en congé. Vous-même, les médias, votre pouvoir a été complètement dilué. Le cadre légal, on a appliqué au effort qu'il fallait l'améliorer parce qu'il était lacunaire. Même, bien sûr, on peut l'appliquer, mais il y a des lacunes qu'on avait identifiées depuis longtemps. On avait même tenu des réunions. Depuis, mais les recommandations ont toujours resté, lettres mortes. Je ne parle pas de ces instances, j'ai parlé de la Cour des comptes. La Cour des comptes, allez voir l'objet de la Cour des comptes. La Cour des comptes ne peut pas même enquêter entière des communes, auditer entière des communes du Burundi. Les entités qui sont auditées par la Cour des comptes, combien? Et à côté de la Cour des comptes, il y a l'inspection générale de l'État. L'inspection générale de l'État, c'est pour l'exécutif. Il est au compte de l'exécutif. Mais la Cour des comptes, c'est pour le Parlement qui doit contrôler l'action gouvernementale au nom du public. Les deux institutions diffèrent. L'un, c'est pour le contrôle interne de l'exécutif. L'autre, c'est le contrôle externe. Donc, mais aussi, dans les normes de la communauté est-africaine, par exemple, je m'excuse. Voilà, voilà. Il devrait y avoir un auditeur général de l'État. C'est lui. Donc, quand il y a une cause, je m'excuse. Et celui-là, il devrait produire publiquement son audit et tout le monde serait dans la légitimité d'interroger. Normalement. Audit qui l'aura effectué au niveau des comptes publics du gouvernement. Mais alors, c'est vraiment public. Tout le monde aurait accès à son audit. Et ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. L'auditeur général, il doit auditer là où il y a une gestion de l'argent du contribuable. Partout. Et quand ils sont en rapport, des têtes doivent tomber le lendemain. C'est tout. Les têtes tombent. Au niveau là. J'ai vu partout. Il y a des mesures administratives qui doivent être prises pour les incompétents. On peut auditer, on trouve que même s'il n'y a pas de marvelisation, mais il y a des incompétences au niveau des résultats, comment vous gérez. Donc, un auditeur, un auditeur général, c'est quelque chose qui est très pertinent. Mais il y a d'autres pays, comme, et surtout de type francophone. Normalement, l'auditeur, la mise sur le pied de l'auditeur, c'est surtout au niveau, c'est surtout anglo-saxon. Mais pour les pays francophones, c'est la Cour des comptes. En France, il y a la Cour des comptes. C'est au Burundi, il y a la Cour des comptes, style berger, c'est comme ça. Mais si aussi cette institution avait sa mission juridictionnelle, toutes les réformes qu'on avait voulu initier pour que cette institution puisse jouer son rôle, il y aurait quand même quelque chose d'avancé. L'autorité de régulation des marchés publics. Il y en a. Il est là. Il fait quoi au niveau de la gestion de la régulation des marchés publics? C'est presque rien. Là, encore une fois, où le bas blesse, il y a ce qu'on appelle les pratiques de prévention qui doivent caractériser la gestion de la chose publique. Quand on dit la déclaration des biens, il faut que ça soit mis en application. C'est l'action de prévention. Ici, au Burundi, ce qu'on appelle... Et c'est constitutionnel. Et c'est constitutionnel. Même il y a une loi qui dit ça, mais ça n'est pas respecté. Il y a ce qu'on appelle les conflits d'intérêts dans la gestion. Les incompatibilités. Aujourd'hui, on voit... Il y a un dignitaire, un gouverneur, le premier fournisseur des choses dans sa province, un administrateur qui a des entreprises. Maintenant, ils sont devenus des commerçants. C'est pour ça que toutes les choses, maintenant, sont à l'arrêt. Ils investissent dans des entreprises, il y a des conflits d'intérêts. C'est vraiment... Donc, ces actes de prévention, ailleurs, les conflits d'intérêts, les incompatibilités, c'est quelque chose qui doit être érigé en bonne pratique de gouvernance dans un pays. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Pour rappel, l'émission Mosaïque sur Isanganiro porte aujourd'hui sur la commémoration du 61e anniversaire de l'assassinat du prince Louis Gwagasore, avec un zoom sur son héritage par rapport à la gouvernance et la lutte contre la corruption au Burundi. Nous sommes avec trois invités sur le plateau, à savoir honorable Olivier Nkurunziza, député burundais de l'EANA et président du parti UPRONA dit de Rwagasore, honorable Agathon Rwasa, député de l'Assemblée nationale et président du parti CNL, Congrès national pour la liberté, ainsi que Faustin Dikoumana, directeur national de l'organisation PARSEM, Parole et Action pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités. Prenons un petit moment pour écouter ensemble les dires de certains habitants de Ouvanza, au nord-ouest du pays. À travers le micro-baladeur d'Isanganiro, ils disent que la corruption reste une réalité au Burundi, malgré des initiatives enregistrées pour lutter contre ce mal. Jusqu'à présent, il nous a laissé un bon héritage de dissuader les personnes corruptibles et les malfaiteurs de tout genre. Cet héritage reste d'actualité. Nous continuons sa mise en application. En général, tout semble être au bon fixe. Nos dirigeants l'ont déjà incarné. La preuve en est qu'ils punissent souvent les personnes accusées d'obtenir ou de recevoir la corruption. J'entends parler de la corruption dans beaucoup de domaines. Je pense que cela est dû à la perte de valeurs humaines. Les gens ne veulent pas s'entraider mutuellement. Ils ne veulent pas se rendre de service. Aujourd'hui, chacun cherche à consommer ce qu'il n'a pas produit. Selon moi, que les gens soient sensibilisés dans tous les domaines sur les méfaits de la corruption, car c'est lui qui demande la corruption, perd sa confiance envers les autres. Presque dans tous les domaines, il s'observe de la corruption, bien que ce n'est pas tout le monde qui l'exige. On devrait d'abord éduquer le peuple à telle enseigne qu'il soit convaincu que l'humanisme passe avant tout, les mœurs et valeurs, que le vol est fermement défendu, qu'on doit être fier et satisfait de ce qu'on a depuis le bas âge. Autre chose est qu'on devrait réajuster la politique salariale pour qu'elle aille de pair avec cette cherté de la vie actuelle. Aussi, il faudrait lutter contre la pauvreté et valoriser notre monnaie burundaise. L'héritage du héros de l'indépendance n'a pas été mis en application. La corruption est une triste réalité. Dans la justice, pour avoir raison, il faut que tu donnes la corruption, qu'importe la pertinence de votre dossier. Dans le secteur de l'éducation, pour avoir accès aux différents documents, on demande des dépôts de vin, une somme donnée sans aucune raison d'être qui ne rentre pas dans le trésor public. Il faudrait que la population soit sensibilisée à propos des méfaits de la corruption. Payer pour les services auxquels on aurait droit gratuitement, c'est vraiment déplorable. Alors, quelques petites questions avant de terminer. Quels sont les impacts? Vous venez de dire beaucoup de défis. Les impacts de cette situation sur le développement socio-économique du pays. Je vais faire le tour de table comme j'ai procédé tout à l'heure. Et Olivier, vous nous êtes du parti UPRONA. Les impacts par rapport à ces défis que vous avez évoqués. Bon, les impacts sont très nombreux. Sur la vie du pays. D'abord, c'est cette pauvreté galopante que vous voyez. Parce que quand dans le caisse de l'État ou de différentes institutions, il n'y a rien, c'est la pauvreté. Parce qu'on ne peut jamais penser à faire des projets de développement du pays. Parce qu'il y aura toujours manque de moyens. Mais aussi, autre problème que vous voyez, il y aura des gens ici au Burundi qui seront plus riches que l'État. Et ces gens seront très incontrôlables. Ils peuvent même être source d'insécurité. Quand tu as de l'argent plus que le gouvernement, là tu peux même corrompre n'importe qui. Tu peux même pousser qu'il y ait même un dysfonctionnement des institutions de l'État. Parce que tu as de l'argent, tu peux corrompre n'importe qui. Vous arrivez dans un cours quelque part, alors que tu peux acheter l'âme de toute personne ici au Burundi. Alors, d'autres problèmes que nous voyons est que, effectivement, c'est cette dilution de l'autorité. On a dilué l'autorité, la responsabilité des hommes de l'État, dans les différentes provinces. On l'a cité dans les procureurs, que quand quelqu'un voit une personne qui vient, il considère qu'il n'a aucune valeur devant lui parce qu'il a de l'argent, il peut l'acheter comme il veut. Alors, vous voyez que dans son cas, le pays devient presque ingouvernable suite à la corruption qui gangrène le pays. Alors, pour lutter contre cela, il faut que le gouvernement garde toujours l'œil vigilant et mettre en application les paroles dites. Ce ne sont pas seulement des discours, mais il faut travailler à ce que les Burundais changent le comportement. Il y a Parsem ici qui vient de le dire ici, il vient de vous accuser vous-même, les journalistes, en disant qu'il n'y a plus d'investigation. Là justement, on va y arriver quand on va parler de perspective. Honorable, il y a plus de journalistes, mais d'investigation. Lié à ces défis que vous avez évoqués, ce sont les pour être bref, je vais en citer deux. Il y a d'abord la stagnation de l'économie. Dans le pire des cas, il y a même régression de l'économie. Ouais. Stagnation, régression. Oui. Ici, je ne sais pas, vous choisirez entre les deux. Ce qui serait peut-être plus doux. Sinon, il y a des problèmes économiques, vous le voyez. On pense à décoller, mais on n'arrive pas. C'est comme si on nous mettait du plomb sur les ailes, alors que normalement on avait suffisamment d'énergie parce qu'on a le potentiel pour développer son pays, mais le développement n'est jamais au rendez-vous. Et le développement ne va pas être au rendez-vous tant qu'on n'a pas corrigé les erreurs qui se commettent au quotidien. Une gestion injuste où on fait le deux poids deux mesures, ça alimente plutôt les peurs, ça alimente les conflits, et on a tout le temps à penser à comment se débarrasser de celui-ci, de celui-là, pour rester confortable dans cette légitimité historique dont a parlé notre confrère ici, M. Faustin. Deuxième chose, il y a un très grand problème que l'administration de la justice aux justiciables. Et vous savez, une société où la justice est mal en point ne peut nullement avancer. Donc, dans un pays où la corruption est érigée en quelque sorte en mode de gouvernance, on a affaire à une justice de puissants et de riches contre les pauvres. En ce moment, le système judiciaire devient très gangréné par la corruption. Et on trouve que c'est une société que finalement devient, où la justice devient comme une bombe à retardement. Une justice qui crée des tensions, une justice qui crée des problèmes au lieu de résoudre les problèmes entre les citoyens. Donc, je peux juste m'arrêter sur ces deux, parce que c'est vraiment très, très saillant. Et si on arrivait à résoudre ces deux grand problème, ces grands impacts négatifs, même le reste pourrait suivre. Faustin Ndikumana, des impacts liés à ces défis. Les défis impact, sont nombreux. C'est d'abord au niveau économique. Au niveau économique, ils ont parlé du sous-développement. D'abord, il y a mauvaise gestion de ses ressources naturelles. Un pays peut regorger des ressources naturelles, mais le développement est toujours reporté aux 40 grecs. C'est toujours chimérique. Mais ça se contredit à travers quoi? Quand les recettes de l'État, au lieu d'être gérées de façon rationnée, au niveau de l'affectation budgétaire, pour que vraiment soit gérées de façon transparente, pour l'intérêt supérieur de la nation, une grande part des recettes publiques rentre dans les poches d'une poignée de gens. Alors comment est-ce que vous avez à voir en développement dans ce sens? Encore une fois, là où le bas blesse, c'est le comportement de corruption qui limite même ceux qui voudraient amener leur capitaux ici. C'est grave. Aucun pays ne s'est jamais développé en autarcie. On s'ouvre aux capitaux étrangers, aux investisseurs, aux emprunteurs, aux prêteurs, aux donateurs divers. Donc, mais, vous voulez dire que les portes ne sont pas ouvertes aux investisseurs. Donc, les conditions de gouvernance ne sont pas remplies au Burundi actuellement pour mobiliser toutes ces situations. Comment est-ce qu'un pays peut passer des années dans une situation de pénurie de devises comme ça pour équilibrer sa balance de paiement? Pourquoi? Il y a eu une chute de plus de 3 mois jusqu'à à moins d'un mois au niveau des réserves de change. Et toutes les canaux qui doivent approvisionner le pays en devises ont été presque bouchés suite à cette situation. Outre cela, il y a donc le retard dans les projets de développement. Un projet de développement peut durer 5, 10 ans, 10 ans. On parle des barrages hydroélectriques depuis quand? Nous vivons une crise d'énergie. Voyez les infrastructures aujourd'hui, suite aux mauvaises passions des marchés publics. On construit une école, le lendemain, il s'écroule parce que le marché public. Donc, si le marché public est vraiment gangrené par une corruption, tu n'auras pas une concrétisation évidente des infrastructures fiables. Au niveau administratif, c'est la faiblesse de l'administration. Au lieu d'avoir des gens compétents, on recrute les militants. Au niveau politique, le leadership politique au plus haut sommet, même les autres entreprises organisées, ce n'est pas les plus compétents au niveau des leaders politiques qui sont mis en avant parce qu'il y a achat de conscience, corruption, mauvaise organisation. Donc, le leadership politique, lui aussi, est hypothèque. Sans oublier alors l'accès aux services de base des citoyens. Accès à la justice, spoliation des plus forts. La justice n'est pas là. Le droit à la propriété qui est violé. Parce que la justice n'est pas là pour faire justice aux gens. Accès à la santé. Maintenant, des fois, il faut donner de l'argent. Accès à l'éducation. Il faut donner de l'argent. Partout, l'accès aux services de base. Donc, c'est encore une fois, au niveau culturel, au niveau valeur, l'enrichissement illicite donne un très mauvais exemple aux gens et aux jeunes. Au lieu d'avoir un goût de l'effort, de travail, tout le monde dit, pour être riche, il faut passer par des tricheries, il faut voler. Donc, le goût de l'effort, l'investissement, le travail n'est plus à l'honneur. Non, parce que ceux qui veulent lutter, qui veulent vivre par leur sueur, ils sont relégués au second. Faustin Ndikumana, il y a le temps qui presse. Nous parlons de l'héritage du prince Louis Rwagasore, le héros de l'indépendance nationale. 61 ans après son assassinat, son héritage, surtout par rapport à la gouvernance et à la lutte contre la corruption. Quel serait un clin d'œil que vous pourriez lancer au pouvoir public, aux responsables politiques, aux organisations de la société civile, vous aussi vous êtes de la société civile, bref, tous les intervenants. Un appel que vous pourriez adresser à tous les intervenants en matière de gouvernance et de lutte contre la corruption. D'abord, il y a un petit document qu'on a confectionné dans notre organisation. Je l'ai envoyé à toutes les autorités du chef de l'État, aux autres. Donc, il y a des recommandations pertinentes dans ce document. Donc, je dois dire, il faut d'abord casser ces histoires de légitimité historique. Déjà, qui veut toujours violer la loi de façon à viager. Non! Le parti au pouvoir actuellement est en train de passer, même pendant une génération au pouvoir. Il n'y aura plus de dire, yo tu vois, accuser d'autres. Ils sont responsables de la gestion du pays. Il faut que les gens commencent à être responsables de leurs actions sans toutefois vouloir dire je ne serai pas puni parce que j'ai fait ceci et ceci dans le passé. Deux, alors il faut passer par tous ces canaux dont j'ai parlé. Revenons à la case départ. D'abord, sensibiliser les gens. Quand on parle de la corruption, moi, ça m'épine. On tend le micro. Un citoyen là-bas, isolé, il sait que la corruption, c'est juste quand le policier lui demande de l'argent au passage. Il oublie que même quand un directeur, un chef de centre de santé détourne les médicaments dans le centre de santé, que c'est de la corruption, la pire même. Dans certains pays, c'est la peine capitale, surtout. Dans les pays comme la Chine, c'est la peine capitale. Donc, il faut une sensibilisation. Connaître maintenant, il faut que les gens sachent les infractions connexes à la corruption. Sensibiliser. Et il faut que les médias, la dénonciation. On ne peut jamais lutter contre la corruption sans la dénonciation. Le journalisme d'investigation, ressuscité là. Et en fait, les actions de prévention. La déclaration des biens, il faut même l'améliorer. Le nouveau gouvernement devait donner l'exemple sur cette situation est Olivier. Vraiment systématisé. Oui, en matière de gouvernance, vous savez que la gouvernance est très très vaste. Mais je reviens sur la gouvernance économique surtout et la gouvernance administrative. Dans le commençant par la gouvernance administrative, je trouve que il y a un problème dans le quand vous essayez d'analyser le PND de 2018-2025, il y a 2027 plutôt, nous avons vu qu'il y a un grand défi et que la cohérence entre les programmes sectoriels lorsqu'on fait l'élaboration effectivement et la coordination des projets ou des programmes, il n'y a pas de cohérence. Par exemple, je donne l'exemple. Au ministère des Travaux publics, le ministère de Géologie et Mines, moi-même, étant géologue, j'ai fait une analyse. J'ai trouvé qu'au ministère des Travaux publics, on planifie les sites où on va ériger ou urbaniser. Et on trouve qu'encore, c'était des sites prouvés. C'était des sites qui ont été étudiés au Burundi, qui regorgent des minéraux. Par exemple, en Ngozi, je l'ai trouvé là où on a construit la site, là où il y a l'industrie qui travaille du bière en Ngozi. On travaille. Diegwa. C'est le site où on a trouvé le site de Kaolin. Et vous voyez qu'il y a de l'incohérence. Si le gouvernement est en train de travailler, il faut qu'il y ait en tout cas cette cohérence dans la planification. Et autre chose qu'on a, j'ai oublié de mentionner ici, dans les marchés publics ou d'autres marchés des produits qu'on donne ici au Burundi, il y a le monopole qui risque de faire tomber. Vous voyez même dans le carburant ici au Burundi, il y a le problème avec le monopole des marchés publics, mais aussi il faut revoir comment alors cette autorité de marché public soit bien organisée, sinon c'est un domaine qui est vraiment très, très, très corrompu, je dirais. Merci. Honorable Agathon Rwasa, un mot à dire. Un clin d'œil aux différents intervenants. Et on termine l'émission. D'accord. Moi, je vais peut-être me placer du côté du discours du président Rwagasore. Nous avons énoncé les défis, nous avons parlé de l'aspect de comment la situation se présente en général. Alors, moi, je me dis que il ne faudrait pas qu'on aille chaque fois le 13 octobre au Mosoré, on passe le petit spot du discours de Rwagasore, juste pour dire que c'était un vaillant citoyen. Pour rappeler. Il faut plutôt que ce discours-là nous inspire. Chaque jour. Et qu'on arrive à un point où on se dit, mettons-nous autour d'une table. Comme les animaux malades de la peste, analysons notre situation. Et définissons nos perspectives ensemble. Sinon, si on écoute le discours de Rwagasore et qu'on pérennise cette histoire de légitimité classique, eh bien, on ne fera pas un pas en avant. Merci. Merci, honorable Agathon Rwasa. Je rappelle que vous êtes le député de l'Assemblée nationale, président du Parti CNL, Congrès national pour la liberté. Merci d'être venu. Merci de votre contribution à cette émission. Merci à vous pour l'invitation, merci pour mes amis pour le débat, merci pour les téléspectateurs et auditeurs de Radio-Télévision Isanganiro. Merci à vous, honorable Olivier Nkurunziza. Vous êtes le président du parti UPRONA, Union pour le Progrès National. Merci d'avoir été des nôtres, merci de votre contribution. Merci beaucoup, je vous remercie pour nous avoir invités et même pour la fois prochaine. Nous répondrons présents. Merci. Et merci à vous, Faustin Dikoumana, directeur national de Parcem, Parole et Action pour le réveil des consciences et évolution des mentalités. Merci de votre contribution à l'émission. Merci vraiment de l'invitation. Je me réjouis de mes camarades politiciens aujourd'hui avec qui nous avons partagé. Mais il fallait quelqu'un du parti au pouvoir. Il viendra, espérons. Ainsi s'achève l'émission Mosaïque pour aujourd'hui. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis. Je dis également merci à Francine Ndiokubayo pour la réalisation. À la présentation, vous étiez avec Léon C. Vitalio. Très bonne suite des programmes sur Isanganiro. À la prochaine. Mosaïque.